Bien, alors pour former le pluriel en anglais, vous savez qu'il suffit d'ajouter un S final, comme en français. Mais en anglais, à l'inverse du français, il faut prononcer ce S final. Il n'est pas muet. Donc, un livre, a book, et des livres, books. Books. Et une chose, a thing, des choses, things. Dans ce cas, pour des raisons de sonorité, le S final se prononce z. Things. Et on avait vu par exemple avec changes que le S final est parfois prononcé is. C'est le cas de tous les mots qui finissent en S, SH, CH, X ou GE. Alors, nous avions vu le mot bus pour autobus. Comment se prononce son pluriel? Buses. Buses, oui, avec le son is. Et comme un match de football est composé de deux mots anglais que vous n'aurez aucun mal à deviner, est-ce que vous pourriez me dire en anglais un match de football? A football match. A football match. Et si plusieurs se dit several, S-E-V-E-R-A-L, alors comment direz-vous plusieurs matchs de football? Several football matches. Several football matches, right. Et de même, si le mot pour boîte est box, B-O-X, comment dira-t-on trois boîtes? Three boxes. Three boxes, oui. Bon, alors comme dans toutes les langues, il existe quelques pluriels un peu particuliers, hein? Mais ils sont peu nombreux et certains partagent la même particularité. Par exemple, dans le cas des noms qui finissent en F ou FE, ce F ou FE final devient un V au pluriel. Par exemple, le mot pour femme dans le sens de épouse est wife, W-I-F-E, qui au pluriel donne donc wives. Wives, W-I-V-E-S, oui. Alors prenons un autre exemple. Une étagère. Ça, c'est un mot à connaître. Eh bien, une étagère, ça se dit shelf. S-H-E-L-F. Et vous aviez peut-être vu avec Michel Thomas que le verbe mettre se traduit to put. P-U-T. Et qu'on retrouve exactement la même forme au passé. Alors, comment direz-vous? J'ai mis toutes les boîtes sur les étagères. I put all the boxes on the shelves. I put all the boxes on the shelves. Et si un couteau se dit knife, comment prononcera-t-on son pluriel? Knives. Knives, oui. Et sachez que knife s'écrit K-N-I-F-E, mais on ne prononce pas le K initial. Et bien sûr, c'est la même chose pour le pluriel knives. Bien, alors, comment dira-t-on « j'ai eu une vie intéressante » Et là, watch out, car ici, vous parlez de votre vie depuis le passé jusqu'au moment présent. I've had an interesting life. I've had an interesting life. Et si un chat se dit « cat », C-A-T, et le chiffre 9 est « nine », N-I-N-E, comment dira-t-on en anglais « un chat a 9 vies » A cat has nine lives. A cat has nine lives. Alors, je ne sais pas si cette affirmation est vraie ou non, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend souvent dire. Et pour terminer au sujet de ces pluriels un peu particuliers, il y a bien sûr quelques cas à part, mais ils sont très peu nombreux et faciles à retenir, car il s'agit de mots très courants que vous ne manquerez pas d'entendre souvent. Par exemple, un homme se dit a man. A man, oui, man, M-A-N. Et des hommes se dit men, M-E-N, men. De la même manière, une femme se dit woman, W-O-M-A-N. Et des femmes se dit women, W-O-M-E-N. Alors attention à bien prononcer ce pluriel-là. women. Est-ce que vous pourriez me le redire? Women. Women. Avec deux sons I, alors que ça s'écrit W-O-M-E-N. Alors, on avait déjà vu le mot child pour enfant, et son pluriel un peu particulier aussi, children. C-H-I-L-D-R-E-N. Bien, alors je viens de lire dans le journal une mauvaise nouvelle. 39 hommes, femmes et enfants blessés dans un accident de train. Si blessé se dit injured, I-N-J-U-R-E-D, littéralement injurié, comment traduirez-vous ce titre de journal? 39, 39, hommes, femmes et enfants blessés dans un accident de train. 39 men, women and children injured in a train accident. 39 men, women and children injured in a train accident. In a train accident, dans un accident de train. Oui.